Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e numéro de cette deuxième saison de À la rencontre d'auteurs. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais reçu par téléphone Loïc Veillet-Lavallée qui était là pour nous parler de son ouvrage édité aux éditions de Beauvilliers, ouvrage intitulé Le Grand Saut. Et aujourd'hui, pour ce 10e numéro de cette nouvelle saison, je reçois par téléphone à nouveau une romancière, Marie-Laurence Villemard, qui est là pour nous parler de son ouvrage, édité cette fois-ci chez City Éditions, ouvrage intitulé Derrière ces mots. Donc bonjour Marie-Laurence. Bonjour Christopher. Comment ça va? Bien, bien, c'est un premier exercice pour moi, mais ça va. Ça va bien se passer, en général les invités ils repartent, ils sont contents, donc normalement ça va le faire. Donc avant de commencer à parler de votre ouvrage Derrière ces mots, je pose toujours cette même question à mes invités, et ce, quelle que soit l'émission, afin que nos auditeurs et auditrices, c'est mieux dans le sens là, le féminin d'abord, puissent déjà vous connaître un petit peu. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Marie-Laurence Villemard, j'habite près de Lille, dans le Nord, et voilà, j'ai 3 enfants, et je suis actuellement donc complètement tournée vers l'écriture en fait. Donc j'ai passé beaucoup de temps de ma vie dans le monde du textile. Et puis aujourd'hui je me consacre exclusivement pour l'instant à l'écriture. D'accord. Et donc avant de parler déjà de votre ouvrage, je tenais à rappeler à nos auditrices et auditeurs, et à vous, Marie-Laurence, que j'ai mis en place, ce que j'ai mis en place pour cette deuxième saison. Donc, dans la première saison, il n'y avait pas ça, mais pour la deuxième saison, j'ai décidé d'innover un petit peu. Dans mon émission À la rencontre d'auteurs, j'ai pris la décision d'instaurer un joker. Le principe de ce joker est très simple. Si je vous pose une question qui, selon vous, pourrait un peu trop spoiler l'intrigue de votre ouvrage, ce qui est tout à fait possible, je ne suis pas infaillible, vous pourrez utiliser ce joker. Mais attention, petite subtilité, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Donc, choisissez le bon moment. Voilà. Est-ce que ça va, ça vous met pas trop la pression? Non, ça va aller. Parfait. Donc, j'ai pas grand-chose à cacher, donc il faudrait vraiment que ce soit une question qui soit majeure pour l'intrigue du roman, effectivement, mais sinon, j'ai l'intention de répondre à toutes vos questions. Parfait. Et j'ai essayé de mon côté de ne pas faire des questions trop précises, parce que, bon, si on raconte tout ce qui se passe dans le roman, les futures lectrices et futurs lecteurs ne seront plus forcément tentés par lire l'ouvrage, et ça serait, ma foi, quelque chose de très désolant. Donc, mais normalement, ça va le faire. Donc, commençons à parler du coup de votre ouvrage, Derrière ces mots. Donc, comme je l'ai annoncé en introduction, cet ouvrage est un ouvrage édité dans une maison d'édition, du nom de City Édition. Et donc, comment avez-vous trouvé cette maison d'édition? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé ou est-ce que vous avez fait vos recherches vous-même? Non, alors en fait, quand j'ai eu terminé mon manuscrit, enfin un petit peu avant même, je me suis dit, je connaissais, je lis beaucoup, donc je connaissais les maisons d'édition principales. Comme c'était un premier roman, j'avais l'impression de ne pas être tout à fait légitime en fait dans mon envie de l'envoyer aux grandes maisons d'édition connues. Je suis allée dans une grande librairie du Nord qui s'appelle Le Furet du Nord. Mmh. Et j'ai regardé en fait toutes les dos de couverture en fait qui étaient sur une table, et à chaque fois que je voyais une maison d'édition dont je ne connaissais pas le nom, je le notais sur un petit carnet. Et puis je suis tombée sur City Édition. Je vous ai dit, j'ai travaillé dans le textile. Et en fait, j'ai travaillé avec la marque La City. Et j'avais monté une boutique qui s'appelait City, tout simplement, qui était une franchise, en fait, Esprit. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est drôle. Est-ce que ça pourrait être une continuité, en fait, de la vie que j'ai déjà eue avant? J'ai décidé de ne l'envoyer qu'à cette maison d'édition en me disant que si ça pouvait être peut-être un petit signe du destin, c'était génial. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai été en communication via les réseaux sociaux avec Frédéric Veil, qui est journaliste sur RTL et qui est directeur de collection chez City Édition. Mmh. Et je lui ai demandé si je pouvais avoir une adresse mail auquel lui envoyer mon roman. Il m'en a communiqué une et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure avec City Edition a commencé. Et puis du coup, voilà, c'est comme ça que maintenant cet ouvrage Derrière ces mots, on l'a sous les yeux actuellement, entre les mains actuellement. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'écrire, vous avez peut-être terminé l'écriture de votre deuxième ouvrage. Et voilà, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est toujours avec City Edition ou pas forcément? Non, en fait, j'ai pris le parti d'essayer de voilà d'essayer l'auto-édition avec Librinova parce que je sais qu'ils sont en contact avec énormément d'éditeurs et que voilà quelque part l'aventure City Edition a été compliquée, mais bon, pas de leur faute, de la faute de la vie, je veux dire, et surtout voilà, de 5 lettres dont personne n'avait entendu parler en 2019, Covid. Mmh. Et en fait, ça a été très compliqué en termes de démarrage parce que, voilà, entre les librairies fermées, etc. Donc, on a qu'un seul premier roman. Et en fait, ce premier roman, je mettais beaucoup d'espoir et je voulais réaliser beaucoup de concours, etc. Et je n'y connaissais strictement rien. Dans le monde de l'édition. Et en fait, je pensais que j'allais que quand le roman serait sorti, j'allais pouvoir faire ces concours. Et en fait, j'ai appris qu'il aurait fallu que je sois inscrite bien longtemps avant, presque 6 mois à 1 an avant. Et ça, je ne le savais pas. Donc aujourd'hui, voilà, je connais un petit peu mieux. On apprend tous les jours. Et donc, pour ce deuxième, je tente ma chance vers l'auto-édition et vers la possibilité peut-être d'une autre maison d'édition qui conviendrait mieux à mes attentes. D'accord. Et donc, quand est-ce que cet ouvrage, Derrière ces mots, donc du coup, avec City Edition, a-t-il été publié ? Publié, oui. Alors, il est sorti en août 2020. D'accord. Il devait sortir. J'ai signé mon contrat en octobre 2019. Il devait sortir en mars 2020. Et puis tout début mars, en fait, mon éditeur m'a appelé en me disant que il était peut-être plus judicieux de le sortir en fait. Voilà, au moment de l'été, au moment des vacances, parce que ça, c'était un roman qui pouvait très bien voilà, trouver sa place dans les valises de vacances. Et donc, du coup, moi, voilà, je leur ai fait confiance et j'ai dit oui, et j'ai très bien fait, parce que eux, sans le savoir, en fait, ont évité que mon roman ne voit jamais vraiment le jour, parce qu'il y a énormément de romans dont les sorties étaient prévues et déjà imprimées pour les mois de mars, avril, mai, qui se sont retrouvés malheureusement avec la pandémie, avec toutes les règles de confinement, etc., avec des librairies fermées et qui ont malheureusement sont mort-nés, je dirais, parce qu'ils n'ont pas pu vraiment avoir une sortie normale. Donc moi, j'ai été contente finalement que ce report de parution et permis qu'ils sortent à un moment qui n'était pas idéal, mais qui était moins dramatique que si ça avait été en mars 2020. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit en introduction, vous avez passé une partie de votre vie professionnelle dans le secteur du textile. Et je crois que vous ne l'avez pas dit, mais du coup, je vais le dire, vous avez ensuite changé de vie en enseignant l'anglais. Mais du coup, comment est venue cette envie de vous lancer dans le monde de l'écriture ? Alors, en fait, j'ai toujours écrit. D'accord. Quand j'étais ado, je veux dire, je remplissais des journaux intimes, très très. Enfin, quand j'en avais un terminé, j'en démarrais un autre. Quand j'étais enceinte, j'ai tenu un journal de grossesse où je parlais à mon futur bébé au tout début, sans même savoir si ce serait une fille ou un garçon. C'était ma fille aînée. Et je lui racontais mes joies, mes peines, mes tristesses, mes angoisses de future maman, comment j'allais m'en sortir, comment j'allais faire avec elle, etc. Et voilà, et j'ai continué pour sa sœur. La troisième n'a pas eu beaucoup de temps, malheureusement, parce qu'après j'étais tellement débordée que que j'ai arrêté tout ça. Et, mais je leur ai écrit des, je leur ai souvent écrit des voilà, des petites histoires d'enfants, etc. Donc voilà, l'écriture m'a toujours accompagnée et permis d'extérioriser quelque chose que j'avais en moi. Et l'écriture vraiment de romans, en fait, j'y songeais en me disant, voilà, quand je rentrais dans une librairie et que je voyais la totalité des romans qui étaient sur les tables, je me disais, mais pourquoi toi et comment le tien trouverait sa place au milieu de tout ça, il y en a déjà tellement. Et voilà, et j'ai commencé, j'écrivais en fait dans le train, quand j'allais, parce que je devais aller au siège social, en fait, de l'entreprise, donc à peu près une fois tous les 15 jours. Et donc, à l'époque, j'avais pas de portable, j'avais pas de... Et lire dans le train me rendait malade. Donc, en fait, j'avais un petit cahier avec moi. Et voilà, j'ai commencé à écrire quelque chose qui me tenait à cœur, mais sans jamais imaginer que ça irait au bout et que ça deviendrait un roman, parce que plein de fois, je me suis donné plein de mauvaises raisons pour arrêter. Voilà, perte de confiance, perte d'envie, perte d'espoir, en me disant mais à quoi ça sert tout ça, et puis voilà, et puis finalement, ben, petit à petit, j'ai avancé. Voilà, donc justement cet ouvrage dont vous parlez que vous écriviez dans le train, c'était justement Derrière ces mots? Alors c'était un début d'histoire, oui, ça a été un début d'histoire de quelque chose que j'avais, voilà, dont j'avais besoin de parler, mais qui n'était pas... qui n'était pas Derrière ces mots dans sa forme aujourd'hui, en fait. Donc je vous ai dit, j'écrivais sur des cahiers, et en fait, en 2012, je me suis offert un PC portable, et je me suis dit qu'il était peut-être temps, voilà, de prendre tous ces cahiers et puis de les recopier, de les relire. Je les avais laissés vraiment dans une caisse. Et donc j'ai commencé à les recopier, à enlever beaucoup de choses, et puis à me dire, mais tiens, c'est vrai, ça fait presque un début d'histoire, voilà, mais je ne savais pas si on devait mettre des guillemets quand on faisait un dialogue, je n'y connaissais rien, je lisais beaucoup, donc en fait je me suis mis à prendre des romans que je lisais, et puis je regardais, je disais, ah oui, d'accord, comment on fait un tiret comme ça, à chaque fois qu'il y a un début de dialogue, on met un tiret, enfin voilà, ça a commencé comme ça, un petit peu en tâtonnant, et puis j'ai relaissé à nouveau, voilà, un fichier, du coup, maintenant dans un PC, c'est vraiment en 2019 que j'ai... que je me suis vraiment dit, il faut que tu avances et que tu te prouves à toi-même que tu es capable de le faire, en fait. C'était surtout vraiment un manque de confiance en moi, en fait. D'accord. Donc avant d'entrer dans l'histoire, dans le vif du sujet, je vous propose à vous, Marie-Laurence, et à nos auditrices et auditeurs, de décrire la première de couverture que j'ai actuellement sous les yeux. Donc c'est une couverture assez intéressante parce qu'elle est en noir et blanc. Nous voyons la photo d'une femme, la femme est de dos coiffée d'un chignon avec la main sur le cou. Cette photo prend toute la couverture. En bas à droite, nous avons du coup votre nom écrit en blanc et en lettres capitales, donc Marie-Laurence Villemar. En dessous de votre nom, nous avons le titre du roman qui, lui, n'est pas écrit en lettres capitales, mais en lettres cursives, je crois. C'est derrière ces mots. Et en dessous du titre, nous avons tout simplement le mot roman écrit en plus petit, en blanc et en lettres capitales également. Et en bas à gauche, nous avons le nom de votre maison d'édition, donc City, et du coup écrit en blanc également. D'ailleurs, cette photo et la personne sur cette photo semble, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçue, je ne sais pas, vous allez peut-être confirmer ou pas. Cette photo, elle m'a semblé représenter Emma, votre personnage principal. Oui, oui, tout à fait. Ben voilà. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi la couverture, c'est City Edition. D'accord. Et en fait, voilà, ils m'ont proposé cette couverture-là. Et c'était très étrange parce que je n'avais aucune idée. On m'avait demandé si j'avais une envie particulière pour la couverture et je n'avais vraiment aucune idée du type de couverture que je voulais, si ce n'est que je voulais que ce soit une photo. Je ne voulais pas que ce soit un dessin ou quelque chose comme ça. Et voilà, et quand ils m'ont présenté la photo, c'était incroyable parce que c'était vraiment voilà, comme si tout d'un coup j'avais Emma de dos en face de moi. Et ce que je voulais, c'est que, et ce que j'ai apprécié dans cette couverture, c'est que voilà, Emma a le visage de n'importe qui en fait. Qu'elle pourrait être monsieur, enfin qu'elle pourrait être madame tout le monde. Voilà, on la voit de dos, on imagine voilà qu'elle a une quarantaine d'années, mais on ne sait pas la couleur de ses yeux, on ne sait pas la forme de sa bouche, de son nez, de son visage. Et voilà, on a juste une idée d'un personnage et ça permet de s'approprier Emma. Emma, ça peut être n'importe qui, en fait, ça peut être voilà, ça peut être n'importe quelle femme à qui va arriver son aventure, en fait. D'accord. Ensuite, quand nous retournons le livre, nous avons la quatrième de couverture qui, elle est toute blanche comparée à la première de couverture. En haut à gauche, nous avons l'illustration de la première de couverture, mais en plus petit, évidemment. À droite de cette photo, nous avons un petit paragraphe écrit en bleu qui dit, je cite, « Je remercie chaque jour le hasard qui a autorisé notre rencontre, à moins qu'elle ait déjà été écrite quelque part, avec des points de suspension. » En dessous, nous avons le résumé écrit en noir. Et juste en dessous du résumé, nous avons en bleu et en lettres capitales la petite phrase pour écrire l'avenir. Il faut faire la paix avec le passé. Et on verra que cette phrase a un certain rapport avec l'intrigue de l'histoire. Ensuite, sous cette phrase, nous avons votre petite biographie. Et ensuite, nous avons le code barre, le prix, le logo de la maison d'édition, etc. etc. Le numéro ISBN, etc. Est-ce que vous m'autorisez à lire le résumé pour mettre nos auditrices et auditeurs dans le bain ? Bien sûr. D'accord. Donc le résumé, je vais commencer du coup avec, je vais relire la petite citation, pardon. Donc je remercie, c'est mieux, chaque jour le hasard qui a autorisé notre rencontre, à moins qu'elle ait déjà été écrite quelque part. À bientôt 40 ans, Emma a une vie banale, rythmée par son travail et ses enfants. Jusqu'au jour où cette maman divorcée et rongée par la solitude entame une correspondance sur Internet avec un homme qui ravive peu à peu la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre. Qui est ce correspondant mystérieux qui se cache derrière le pseudo Last Sorrow ? Emma aimerait le découvrir, mais il refuse de la rencontrer et il lui fait promettre de ne pas tomber amoureuse, car il estime avoir perdu le droit d'aimer. Intriguée, passionnée, Emma décide malgré tout de partir à sa recherche. Et en plongeant dans des secrets qui dépassent tout ce qu'elle aurait pu imaginer, elle va remettre en question leur histoire naissante. Car la vie de cet homme est construite sur un mensonge qui pourrait tout faire voler en éclats, avec des points de suspension et en dessous, pour écrire l'avenir, il faut faire la paix avec le passé. Fin de citation. Voilà. Et donc, nous l'avons compris, votre personnage principal, donc Emma, va échanger avec un individu qui se fait appeler Last Sorrow, et si on traduit ces deux mots en français, ça donne Dernier Chagrin. Donc j'imagine que ce pseudonyme n'a pas été choisi au hasard. Non, bien sûr. En fait, c'est le pseudonyme de son mystérieux correspondant et c'est ce qui va attirer Emma au départ. Je veux dire, en général, un pseudonyme n'est pas triste. Et là, Dernier Chagrin, en plus, c'est un pseudonyme qui n'est pas spécialement masculin. Mm-hmm. Donc, en fait, Emma va se demander justement qu'est-ce qui peut avoir conduit cette personne à avoir choisi ça comme pseudo. Et puis, le pseudo complet est lastero.uk. Mmh. Donc, dès le départ, elle sait qu'en fait, la personne avec qui elle correspond est en Angleterre. Bien sûr. Donc, du coup, c'est pas un point .fr, c'est un point .uk. Et donc, elle se dit, tiens, qui est-il et c'est ce qui va l'intriguer au départ, en fait. Tout à fait. Et donc, en dessous de ce résumé, nous avons votre petite biographie de quelques lignes. Est-ce que je peux la lire également ? On l'a déjà dit, hein, en fait. J'étais dans le secteur du textile. Mmh. Voilà. Alors, j'enseigne pas l'anglais. J'ai pas enseigné l'anglais. Je n'étais pas professeur d'anglais. Je travaillais pour la Chambre de commerce de Lille, en fait. Et j'étais plutôt formateur en anglais des affaires. D'accord. Pour adultes, en fait. Je travaillais avec des cadres et des cadres en reconversion ou des gens ou en entreprise, en fait, des entreprises qui avaient besoin de former leur personnel à l'anglais des affaires. Donc c'est pas vraiment. J'étais pas devant une classe. D'accord. Et justement, pour écrire ce roman, de quoi et ou de qui vous êtes-vous inspiré ? Alors, on s'inspire de tout quand on écrit. En tout cas, alors je vais pas parler pour d'autres auteurs parce que j'ai pas la science infuse en matière de en matière de littérature et d'inspiration. Moi, c'est parti de quelque chose qui m'était arrivé, mais dans un tout autre contexte, en fait, où j'ai correspondu pendant quelques temps avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et en fait, ça m'a donné cette impression que sur Internet, en fait, alors que c'était sur un thème qui était des voitures, donc vous voyez, rien à voir. En fait, Internet peut être un accélérateur de sentiments et peut faire en sorte que des gens qui n'étaient pas du tout amenés à se rencontrer se rencontrent. Donc en fait, c'est parti de ça, en fait, au départ. Et puis, Emma a trois filles, j'ai trois filles. Donc effectivement, je pense que pour mon premier roman, il y a beaucoup d'anecdotes, de choses qui viennent de ma vie personnelle, mais qui ne sont jamais arrivées dans les contextes où j'en parle, en fait. C'est-à-dire que je prends des pièces de puzzle, en fait, mais qui seraient des pièces qui pourraient se déformer à loisir, en fait, pour finir par créer un puzzle, alors qu'à la base, ces pièces ne devraient pas aller dans le puzzle de mon roman, en fait. Mais il y a beaucoup d'anecdotes de mes filles, des choses qui sont arrivées, mais pas du tout, en fait, parce que j'avais une correspondance ou quoi que ce soit. C'était je parle à un moment donné d'une anecdote sur une histoire de jus d'orange. Cette anecdote-là, elle est arrivée un jour où j'étais extrêmement stressée par un résultat de bilan. Je n'avais pas dormi de la nuit. Et le matin, j'ai confondu le bol de thé et le jus d'orange et j'ai versé le jus d'orange sur le thé. Bon, voilà, et le thé sur les céréales. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées quand j'étais un peu surmenée et un peu fatiguée. Mais du coup, je les récupère et puis j'en fais une intrigue globale, en fait. Mmh. Vous les récupérez, vous les remaniez pour que ça corresponde, du coup, à l'intrigue de votre roman. Voilà, il faut savoir que j'ai vécu en Angleterre, je connais très bien l'Angleterre, donc les endroits dont je parle, je les connais. Bien sûr. Donc, avant de poursuivre et d'entrer directement dans l'ouvrage, car là, nous avons fait une petite introduction pour donner un petit suspense, pour donner l'eau à la bouche à nos auditrices et auditeurs. Mais avant, pour encore maintenir un petit peu le suspense, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une première pause musicale que vous avez choisie. Nous allons écouter Laurent Voulzy avec son titre « C'était déjà toi ». Pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, c'est de la variété française, hein, forcément avec Laurent Voulzy. C'est un morceau sorti en 2011 et c'est un titre issu de l'album « Lies and Love » de Laurent Voulzy, album sorti le lundi 28 novembre 2011. Il s'agit d'ailleurs du 7e album studio du chanteur. Donc du coup, on écoute « C'était déjà toi » de Laurent Voulzy et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 3 minutes 30. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Quand je faisais la tête ailleurs. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter C'était déjà toi de Laurent Voulzy avec l'intervention de quelques voix féminines. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce morceau de Laurent Voulzy, du coup, c'est un morceau écrit par Laurent Voulzy et avec Alain Souchon, voilà, deux grands chanteurs de variété française. Et voilà, nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marie-Laurence Villemar qui est là pour nous parler de son ouvrage Derrière ces mots. Ça va toujours ? Oui, très bien. J'ai choisi cette première chanson parce que, justement, elle datait de 2011. Et voilà, et c'est à cette époque-là que j'ai commencé vraiment à structurer une histoire. Donc, du coup, c'était pour ça. Et bien, justement, vous m'avez devancé car j'allais vous demander, vous allez vous poser la question, pourquoi ce choix ? Donc, du coup, vous l'avez dit. Voilà. En fait, vous avez sur la dernière de coups, vous avez, voilà, à moins qu'elle n'ait déjà été écrite quelque part, voilà, je pense que les rencontres ne se font jamais par hasard et donc, dans ce titre parce que c'était déjà toi, c'était peut-être effectivement pour montrer que Emma avait peut-être en fait devait peut-être un jour rencontrer la Sorrow, voilà. D'accord. Donc voilà, le suspense. Voilà, arrive à sa fin, nous allons entrer directement dans votre ouvrage Derrière ces mots. Donc, dans l'introduction, nous plongeons directement dans l'univers de Last Sorrow, le mystérieux correspondant d'Emma, et directement vous utilisez un vocabulaire assez précis et assez fort à la fois. Vous utilisez des termes comme mensonge ou encore pouvait-il risquer d'être découvert après tous les efforts mis à devenir invisible, etc. Donc nous croyons comprendre que Last Sorrow n'est peut-être, sans le connaître, nous pensons qu'il n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Nous sommes en quelque sorte directement plongés dans l'action. Donc pourquoi avoir fait ce choix de directement plonger la lectrice et le lecteur dans l'action, dans l'intrigue, à fond dedans, quoi, dès le départ? Alors, en fait, c'est un chapitre qui a été rajouté à la fin, en fait, quand j'ai eu terminé mon histoire. Je ne voulais pas, en fait, que voilà, au départ, c'est une histoire qui est épistolaire, puisque c'est une, mm-hmm. c'est une rencontre, bon, même si ce n'est pas des lettres échangées, je veux dire... C'est une rencontre virtuelle et je ne voulais pas que les gens pensent que en fait c'était voilà quelque chose qui allait être long et qui allait ne jamais déboucher sur quoi que ce soit et que ce soit une histoire de romance comme on pouvait l'imaginer un peu feel good. Je voulais que le lecteur sache dès le départ. Qu'à un moment donné, cette jolie histoire virtuelle allait se transformer en quelque chose d'autre et que ce ne serait pas tout rose tout du long et c'était important que le lecteur le sache dès le départ. D'accord. Donc ça, c'était le chapitre du coup rajouté après, du coup. D'accord. Et... Ben, il était après, il s'est retrouvé avant, Oui. en fait, dans le montage final dans le montage final du roman, parce que je trouvais que c'était plus pertinent. Ben justement, j'allais vous demander, du coup, dans les premières pages, nous vous parler de ce qui se passe aujourd'hui, puis à la page numéro 9, nous faisons du coup un bond dans le passé, un bond en arrière, dans lequel vous racontez ce qui s'est passé avant. Donc justement, c'était pour... Justement, le titre de la partie commençant à la page numéro 9, c'est Auparavant. Donc c'était justement ce petit bond en arrière, c'était pour la compréhension de l'histoire. Oui, parce qu'en fait, dès le départ, alors toujours pour que mes lecteurs comprennent que ce ne sera pas qu'une relation épistolaire qui va durer, il y a aussi tout de suite après, à la deuxième page, en fait, on se rend compte que Emma prend la route, en fait, et part en Eurostar. Et c'est vrai que justement l'idée c'était qu'on comprenne que voilà, à l'instant T, elle s'en va à la rencontre de quelqu'un. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas elle va traverser l'écran. Et je l'écris d'ailleurs. Donc il faut que le voilà il faut que le lecteur comprenne que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, en fait, cette histoire. Et j'ai volontairement, en fait, divisé mon roman en auparavant, maintenant, ensuite, parce que, en fait, et sans faire de chapitre, parce que, voilà, Emma va passer beaucoup de temps sur Internet et à discuter avec son correspondant. Et je ne voulais pas faire de chapitre parce que je voulais que mes lecteurs, en fait, et comme elle, voilà, l'envie d'aller plus loin, de ne pas pouvoir s'arrêter en fin de chapitre pour poser le livre et se coucher, comme Emma n'arrive pas à quitter son correspondant, et que donc elle, voilà, que les gens continuent, en fait, à lire comme Emma continue à discuter. Et j'ai une journaliste de la Voix du Nord qui m'a interviewée et qui a lu donc mon roman avant de faire son interview, et qui m'a dit que les nuits avaient été très courtes et qu'elle m'en voulait parce que mais elle m'en voulait gentiment, hein, bien sûr, Bien sûr. parce que, en fait, elle disait, voilà, à chaque fois que je me disais, oh, j'en peux plus, mais je veux savoir la fin, en fait, elle dit, j'attendais un chapitre et le chapitre ne venait pas. Et je lui ai dit, en fait, le truc, c'est d'aller se coucher quand Emma va se coucher. Voilà. Non, c'est vrai que j'ai également du coup lu votre ouvrage en préparant cette émission pour ne pas faire d'heure sujet, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que le roman est quand même assez prenant. Et puis comme cette journaliste dont vous parlez, j'attendais la fin d'un chapitre ou d'une grande partie pour poser le livre pour dire bon, je reprendrai demain. Mais du coup, il n'y en avait pas, donc je devais m'arrêter en plein paragraphe ou autre pour dire bon, hein, voilà. Mais non, mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'il était assez difficile à lâcher comme roman, mais je pense que c'est ce qui fait qu'un roman est réussi, j'imagine. Et. En tout cas, c'était voulu. C'est pas que c'était un premier roman et que je ne savais pas qu'il y avait des chapitres dans un roman. Bien sûr. J'ai quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, je tiens à vous dire que pour vos prochains romans, voilà, il faudrait penser à faire des chapitres. Oh, ben merci. Merci de m'expliquer ce qu'est un chapitre. Mais en fait, voilà, dans mon deuxième roman, il y a des chapitres parce que ça s'y prête, tandis que dans le premier, il n'y en a pas parce que je voulais volontairement que ce soit haletant et qu'on ne sache pas quand est-ce qu'on pouvait aller dormir. Parce que voilà, enfin, moi je suis une lectrice du soir. Alors évidemment, si Bien vous sûr. lisez dans l'après-midi, ça change tout, mais moi je suis une lectrice du soir, et c'est vrai que il m'arrive quelquefois de m'endormir sur le roman que je suis en train de lire, parce que je n'arrive même pas à aller au chapitre d'après. D'accord. Et donc, du coup, comme Emma, votre personnage, du coup, votre personnage principal, nous ne connaissons pas vraiment ce Last Sorrow, ce mystérieux interlocuteur, mais nous comprenons que cette personne derrière le pseudo a l'air d'avoir un passé, j'y arrivais, assez important et assez imposant, mais il reste tout de même très énigmatique. Donc pourquoi cette volonté de faire un personnage si secret? Parce que si l'histoire était toute simple, je veux dire, ce serait Voilà, enfin, pour moi, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Je pense que ce que je voulais développer comme thématique, c'était justement que lorsqu'on démarre une discussion sur Internet, on ne sait jamais réellement qui est derrière l'écran. Et on peut y voir qui on veut y voir, en fait, qui on veut y trouver. Emma, elle est seule, elle cherche, voilà, elle cherche à reconstruire sa vie, elle cherche l'amour et elle peut. Au départ, elle cherche pas, elle rencontre pas la Soros sur un site de rencontre, hein, pas du tout. Elle le rencontre dans un salon de discussion et parce qu'elle veut recommencer à parler anglais. Et en fait, bah voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, on arrive dans l'histoire avec, elle arrive dans l'histoire avec des attentes, elle est très romantique, et elle veut y croire. Et puis en face, il y a quelqu'un qui répond à cette attente, qui a bien senti qu'en fait Emma était voilà, fragile, triste, et donc cette personne en fait s'adapte au départ à ce que demande Emma. D'accord. Et du coup, quand je suis perdu, voilà. De plus, dans votre roman, vous utilisez un narrateur ou dans ce cas une narratrice interne. C'est Emma qui raconte sa propre histoire. Vous utilisez la première personne du singulier. Donc, parmi les différents types de narration qui existent dans le monde de l'écriture, narrateur interne, narrateur externe, narrateur omniscient, etc., etc. Pourquoi avoir fait ce choix-là précisément de narration? Ouais, je pense que parce que c'était un premier roman, c'était important pour moi que mes lecteurs aient l'impression que je racontais mon histoire, donc que je racontais une histoire à la première personne du singulier et que Emma ça pouvait être moi. Je pense que c'est comme si en fait on était sur une scène de théâtre et que c'était et que c'était quelque chose qui se passe entre deux personnes. On est dans un univers assez clos, l'univers de voilà, ils sont chacun derrière leur écran d'ordinateur au départ, c'était voilà pour je en fait je n'ai pas vraiment réfléchi à faire une construction, ça c'est l'analyse qu'on fait en fait après. Moi j'ai commencé à écrire et le jeu s'est imposé en fait. Et pourquoi je pense que parce que c'était un premier roman, je voulais que ce soit. Je voulais que le roman ait un personnage fort, féminin, fort, Emma, et que tout ce qui arrive à Emma en fait soit satellite autour d'elle en tant que personnage central. D'accord. Et dans ce roman, comme l'indique le résumé, bien que Emma ait bien presque 40 ans, et bien que ce soit encore jeune, bien sûr, est-ce que vous diriez que Emma retrouve en quelque sorte, grâce à ses échanges avec Last Sorrow, qu'elle retrouve en quelque sorte sa jeunesse, et que malheureusement, peut-être, elle pourrait s'imaginer des choses et peut-être se faire des idées? Je crois que, alors là, pour le coup, il n'y a pas d'âge. Je pense que en toute femme et en tout homme, je veux dire, il y a une envie de première fois, il y a une envie de d'aimer. Je pense que le sentiment d'amour n'a pas d'âge et qu'Emma a surtout besoin d'aventure, en fait. Elle a une vie, comme il est indiqué dans le résumé, banale, rythmée par son travail et ses enfants. Voilà, c'est un peu métro, boulot, dodo, même si elle ne prend pas le métro, mais je veux dire. Et c'est vrai qu'elle est arrivée à un carrefour de sa vie où elle a divorcé, ses enfants commencent à grandir, et puis elle a un échec de son mariage qu'elle doit assumer. Et à ce moment-là, elle a besoin en fait de quelque chose. Elle a une relation qui est très forte avec ses enfants, mais elle a besoin de quelque chose dans sa vie qui la réveille, quoi, en fait, parce qu'elle est, elle est un petit peu éteinte et endormie en fait, et je pense que c'est voilà, et je pense que c'est ça qu'elle elle ne part pas sur Internet dans cette optique-là, mais c'est cette rencontre en fait qui va être un catalyseur et qui va faire en sorte que qu'Emma va se réouvrir en fait aux choses, aux êtres, au monde et va retrouver et va avoir une envie de voyager, va avoir une envie de comprendre, et puis Emma c'est quelqu'un qui bosse dans les ressources humaines, et elle a besoin aussi de comprendre quelle est la personne qui se cache derrière son correspondant et qui lui fait promettre dès le départ de ne pas tomber amoureuse de lui, parce que dès le début, alors qu'Emma est quelqu'un qui est plutôt cartésienne, qui a les pieds sur terre, et ce préambule de ne pas tomber amoureuse de lui, de quelqu'un avec qui elle parle à peine depuis quelques heures, au départ, elle se demande où elle va, quoi. Mais tout à fait, parce que comme vous le dites et comme c'est marqué dans le roman, en effet, ce correspondant, donc l'astro, il dit qu'il s'appelle Peter aussi, on sait pas trop sur quel pied danser, il lui dit, promets-moi de ne pas tomber amoureuse, et au fur et à mesure de l'avancée dans l'ouvrage, dans l'intrigue, nous posons tout un tas de questions, pourquoi il lui a dit de ne pas tomber amoureuse, etc. Et ça, c'est presque le fil rouge de tout le roman pour maintenir le suspense, je suppose. Oui, oui, en fait, Emma, en plus, souvent, l'interdit donne envie, donc quand on lui dit de ne pas tomber amoureuse, en fait... Emma, c'est pas ce à quoi elle pense au départ. Le fait est que je pense qu'Internet, enfin toutes les personnes qui ont expérimenté des rencontres sur Internet, des discussions sur Internet, le fait qu'il y ait un écran entre soi et la personne avec qui on discute peut être vraiment un très très gros booster de sentiments, parce qu'on ose se dévoiler beaucoup plus. Je ne pense pas que Emma aurait raconté sa vie comme ça, de cette manière-là, à un inconnu dans une soirée, par exemple. Bien sûr. Là, je pense qu'au départ, la distance entre eux l'arrange. Mm-hmm. Le fait qu'elle sache que, justement, voilà, il est en Angleterre et que, bon, il n'y a pas de... Elle peut, pour la première fois depuis longtemps, Emma, elle peut se sentir vraie et se sentir elle-même, et elle est plus maman, elle est plus femme qui travaille, elle est femme tout court, et c'est important pour elle en fait d'avoir envie de pouvoir être elle-même. Mmh. Et puis l'écran aussi, peut-être que l'écran ça rassure aussi quelque part. Bien sûr, ça la protège. Quand on a eu un premier échec, on n'a pas envie de se recasser la figure. donc je pense que Emma pour le début, en fait, en tout cas, elle peut laisser aller ses sentiments très vite. Elle peut laisser aller ses sentiments galoper, tout en se disant que que peut-être c'est un jeu aussi au début dans sa tête. Enfin, pas un jeu parce qu'elle est honnête dans ce qu'elle dit, mais que si ça va trop vite, c'est pas si grave parce qu'elle est dans sa salle à manger, enfin voilà, parce qu'elle discute avec quelqu'un par écran interposé et que c'est pas quelqu'un qui a fait irruption dans sa vie réellement, quoi, en fait. Ça lui permet de continuer à gérer son travail, de continuer à gérer ses enfants, tant bien que mal, parce que cette relation est extrêmement chronophage et prend de plus en plus sur son quotidien, parce que ce monde en fait dans lequel elle se projette justement, ou qui est parfait, où il n'y a pas d'enfant, où il n'y a pas de mari, où il n'y a pas de contraintes, c'est un monde qui est hyper attirant pour elle, où il y a juste en fait quelqu'un qui, tout en lui ayant dit de ne pas tomber amoureuse de lui, lui donne envie d'aimer, en fait. Mmh. Je vois, d'accord. Dans ce roman, il y a plusieurs, plusieurs types de récits. Il y a en effet le récit, on va dire, commun, entre guillemets, celui de la narration. Et il y a le récit par message. Internet, on le reconnaît grâce à la police d'écriture différente que vous utilisez. Et donc, ça se voit, ce type d'écriture, on va dire, ça se voit rarement dans les ouvrages, dans le monde de l'écriture et de la littérature. Donc, d'ailleurs, une grosse partie du roman se passe de cette façon, par message interposé. Voilà. Donc, quand vous avez commencer l'écriture de ce roman, est-ce que c'était déjà une volonté d'utiliser, on va dire, un autre moyen de raconter une histoire ? Oui, en fait, je pense que ben, à l'époque, quand j'ai commencé en 2012, c'était bon, voilà, c'est il y a presque 10 ans maintenant. Et il y a 10 ans, les choses étaient moins développées qu'aujourd'hui. Donc en fait, quand j'ai commencé à raconter cette histoire, on était moins dans tout ce qui est aujourd'hui entre les messageries, les messengers, les WhatsApp, les tout ça. C'était quelque chose d'assez nouveau. Donc pour moi, c'était important de garder la forme de la discussion telle qu'elle, parce que ça permettait aussi de la rendre extrêmement vivante au lecteur, en fait, qui se retrouve lui aussi. Comme s'il était la troisième personne qui assiste en fait aux échanges entre Emma et son correspondant. Donc c'était important, je pense, de garder cette quand il s'envoie des messages, quand il s'envoie des mails, etc., de continuer à montrer en fait comment ça aujourd'hui, enfin 10 ans plus tard, je dirais que les gens sont peut-être plus habitués. Mais à l'époque où j'ai commencé à écrire, c'était pas encore en 2012, on n'était pas encore à ce point dans les réseaux sociaux, etc. Donc c'était important de montrer en fait comment les dialogues se nouent et de garder comme si c'était du théâtre en fait, vous savez, comme les fascicules de théâtre. Où on a le nom du personnage et ce qu'il dit, puis l'autre personnage et ce qu'il dit, et entre deux des indications sur ce qui se passe, etc. Ben, il y a certains, j'ai fait beaucoup de théâtre étant jeune, et il y a certains passages où je voulais que ce soit la conversation brute, en fait. D'accord. Oui, parce qu'on remarque aussi, comme vous le dites, parfois entre différents messages internet, il y a la narration qui reprend. Donc c'est un peu comme les didascalies ou autres, oui, au théâtre. En effet, j'ai compris ça, comme vous venez de le confirmer aussi en lisant cet ouvrage. Et puis je pense aussi qu'à certains moments, si vous voulez, quand on revient justement à la narration, c'est qu'Emma, elle est à la fois dans cette vie virtuelle complètement où elle est à 200% avec son correspondant, et puis de temps en temps il y a sa vraie vie qui fait irruption en fait et qui la force à reprendre pied dans la réalité. Et c'était important pour moi qu'il y ait cette rupture en fait entre les deux, entre quand elle est en conversation, et puis sa vie continue, et qu'elle se soit couchée ou pas couchée, qu'elle ait réussi à dormir ou pas dormir, le matin, ses enfants se réveillent, elle doit les emmener à l'école, elle doit aller au travail, et tout ça, c'était important qu'on soit à la fois dans la vie qu'elle se construit mentalement, et aussi dans sa vie quotidienne. D'accord. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous relancer dans une nouvelle pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions un morceau et deux artistes que j'apprécie tout particulièrement, donc Gavin James et Philippine, avec leur morceau intitulé Always. Une nouvelle fois, pour donner les quelques références, ce morceau est sorti en 2018, il y a 3 ans. C'est un morceau plutôt typé pop pour les deux, pop anglaise pour Gavin James et pop française pour Philippine. Leurs deux voix mélangées donnent quelque chose de vraiment sympa, je trouve, et je pense d'ailleurs que vous avez toutes et tous déjà entendu ce morceau au moins une fois dans vos vies en écoutant différentes radios. Donc je vous propose d'écouter Gavin James, en duo avec Philippine et leur titre Always, que l'on pourrait traduire en français par toujours. Et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite, d'ici un peu plus de 4 minutes. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go. Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant. T'es dans ma tête. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Always de Gavin James en duo avec Philippine. Et j'avais une petite anecdote sur ce morceau, ou plutôt sur Philippine, justement sur la chanteuse que nous venons d'écouter actuellement. Voilà, une petite anecdote, ma foi, plutôt sympathique, dont je suis quand même assez fier. Voilà, que je tenais à vous partager. Philippine, c'est ma jumelle astrale. Voilà, je vous laisse regarder sur Internet ce qu'est une jumelle astrale ou un jumeau astral, si vous ne le savez pas. Quoi qu'il en soit, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site Internet partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Marie-Laurence Villemar, qui est là pour nous parler de son ouvrage « Derrière ces mots ». Ça va toujours ? Très bien. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale. Bah, j'ai peut-être une petite idée, mais je vais quand même la poser. Pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Et ben parce que c'est en duo franco-britannique. Et voilà. Voilà, en fait, bon, d'abord, c'est une chanson que j'ai pas mal, effectivement, comme vous le disiez, entendue et écoutée. Et puis voilà, j'étais dans la tête, en fait, c'était ça. C'est aussi, voilà, le Emma, en fait, qu'elle soit devant son ordinateur ou qu'elle soit dans sa vie normale, en train de s'occuper de ses enfants, etc., à partir du moment où elle commence à discuter avec la Sorrow, en fait, elle se retrouve voilà, tiraillée entre deux mondes. Et c'est très difficile pour elle d'avoir des journées normales, le plus normal possible, parce qu'elle n'attend qu'une chose, voilà, c'est d'être le soir et d'avoir couché les enfants et puis de pouvoir continuer à faire connaissance avec cette personne qu'elle ne connaît pas, ni visuellement, ni voilà, au départ, elle n'a pas de photo de lui, elle ne sait pas à quoi il ressemble. Et c'est ça qui est intriguant, en fait, et qui lui donne envie d'aller plus loin. Et pour revenir à la couverture, en fait, quand j'ai vu la couverture, j'ai vu cette jeune femme qui se masse la nuque, en fait, enfin qui met sa main sur sa nuque, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, voilà, moi, ce que j'ai vu immédiatement, c'était Emma le matin quand elle tard dans la nuit, quand elle en peut plus et qu'elle est courbaturée de partout parce qu'elle est restée trop longtemps à discuter sur Internet, et ben voilà, elle a mal au cervical et cette main qui se masse la nuque et qui regarde vers un point de lumière, en fait, ça pouvait être son écran, ça pouvait être beaucoup de choses. Donc voilà, il y avait un appel à l'imaginaire que je trouvais très intéressant. D'accord. Et donc, justement, dans ce roman, vous utilisez beaucoup des mots anglais. Parfois même, les Emma et puis Last Sorrow, le mystérieux correspondant, échangent en anglais. Donc, est-ce que avoir fait ça, c'est une sorte d'hommage au fait que vous adorez l'Angleterre ? Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'était l'envie de montrer aussi que, bah, quelquefois, voilà, on peut discuter avec des gens qui ne sont pas dans la même langue en ayant quand même une passion commune. La Sorrow adore la France, Emma adore l'Angleterre, donc à un moment donné, forcément, ils se retrouvent sur des terrains communs. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'aujourd'hui, l'anglais est quand même un tout petit peu plus développé qu'il y a quelques années. Mmh. Et bon, de toute façon, enfin, quand c'est vraiment important, les choses sont traduites. Il y a quand même pas tellement de références anglaises. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi dans les dialogues et dans les échanges, de temps en temps, de ne pas tout traduire. Il y a quelque chose qui m'attriste beaucoup, je veux dire, sur la télé française, c'est que souvent, en fait, quand vous avez une interview de quelqu'un qui est anglais, enfin, en tout cas de langue anglaise, on a immédiatement, en fait, un doublage. Et je trouve que ce doublage est dommageable parce que ça fait qu'en fait, les Français n'entendent jamais d'anglais, contrairement aux Néerlandais, par exemple, ou aux Allemands, qui, eux, enfin, leur industrie de doublage n'est pas très développée. Et du coup, en fait, on a toujours les personnes qui discutent avec des sous-titres en dessous. Et du coup, ben, voilà, tous les enfants, tous les jeunes, etc., apprennent, en fait, beaucoup mieux les langues que nous, parce qu'ils entendent les gens. Et ben, je voulais, en fait, dans ce roman, que quelque part, voilà, ce qui est dit en anglais le soit. Alors évidemment, quand la conversation se déroule en français, en fait, Emma a très envie de parler anglais. Donc la quasi-totalité de leur conversation se déroule en anglais, sauf que bien sûr, il n'était pas question d'écrire un livre en anglais. Donc du coup, quoique je rêve qu'il soit traduit en anglais, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, je précisais, évidemment, Emma continua en anglais, par exemple, et de temps en temps, effectivement, j'y glisse des petites phrases pour qu'on en voit de l'anglais, en fait, dans ce roman. Et voilà, ça part de la même réflexion que la réflexion de la télévision. On ne peut pas faire un roman franco-britannique sans qu'il y ait un seul mot écrit en anglais dedans. Bien sûr. Et donc, quelque chose que j'ai trouvé assez sympa en lisant cet ouvrage, c'est qu'à plusieurs reprises, enfin surtout du côté de l'instaureur, quand il demande à Emma comment tu dis ça en français, vous voyez comment tu dis, comment ça se dit, est-ce que, excuse-moi si je me suis trompé, etc. Je trouve que ça rajoute un côté crédible à l'intrigue. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Oui, mais je voulais vraiment. C'est presque. En fait, le roman, il est bâti comme un scénario de film. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une pièce de théâtre, ou comme. C'est presque, en fait, une interaction permanente en fait entre les deux personnages, et donc effectivement Emma parle bien anglais, lui parle bien français aussi, mais ça fait longtemps que ni l'un ni l'autre ont pratiqué. Enfin, Emma, elle pratique l'anglais dans sa vie de tous les jours un petit peu, mais pas beaucoup quand même, et donc du coup c'était important pour la crédibilité effectivement je discute très régulièrement en anglais avec des correspondants. J'ai des amis au Canada, j'ai des amis aux États-Unis, et ça m'arrive très régulièrement de leur dire comment, il y a un mot pour ça, qu'est-ce que tu dirais, je voulais que ce soit exactement la même chose dans leur conversation en fait, et puis que peut-être aussi mes lecteurs apprennent quelques mots. Merci. Enfin voilà, ça doit être mon côté prof. Que mes lecteurs puissent apprendre quelques phrases, quelques mots, quelques tournures, sans que ce soit rébarbatif pour ceux qui, par contre, ne parlent pas du tout anglais, quoi. Et il fallait quand même que le roman soit compréhensible par n'importe qui, même quelqu'un qui ne parle pas anglais. Bien sûr. Et justement, quand Emma fait un pas en avant vers son correspondant, celui-ci, on a l'impression qu'il fait deux pas en arrière. Par exemple, quand elle dit « Envoie-moi une photo de toi » ou « Est-ce qu'on peut s'appeler ?» etc. Emma, elle fait un pas, mais l'instaurant, il en fait deux en arrière, lui instaurant des refus quasi systématiques, ce qui augmente encore plus, ce que j'ai trouvé, le côté suspect de ce mystérieux correspondant. Donc, pourquoi était-ce important pour vous, quand vous écriviez ce roman, d'insister sur ces refus systématiques ? Pourquoi il était important d'arrêter de faire des refus ? D'insister. Ah, d'insister, oui, parce qu'à un moment donné, il arrête quand même. Oui. C'était important parce que, par rapport à la crédibilité de l'histoire, c'est-à-dire que dès le départ, dès la première page, on sait qu'il y a quelque chose à cacher derrière tout ça. Et du coup, forcément, il a dit au départ, il les a mis des barrières. Il a dit, ne tombe pas amoureuse de moi, ça ne va pas le faire. N'essaye pas de me rencontrer, je ne peux pas te rencontrer, je ne veux pas te rencontrer, j'ai perdu le droit d'aimer. Donc, et Emma insiste, Emma a envie, et donc à partir de là, forcément, comme vous dites, Emma fait un pas en avant, il en fait deux en arrière, parce que je pense qu'il sait qu'à un moment donné, son histoire est menacée, et qu'elle s'arrêtera si Emma est trop intrusive, parce qu'il a peur, très très peur en fait, qu'elle découvre son mystère. Et donc de ce fait là pour lui c'est hyper important en fait de se protéger. Donc je pense qu'il se protège tout simplement, et effectivement il essaye de faire durer en fait. Il sait dès le départ, il le dit, hein, dans le départ, je vais vous lire un paragraphe, il se dit qu'il arrêterait dès qu'il sentirait que c'était trop dangereux, dès qu'elle poserait trop de questions. Heureux et intrigué à l'idée de lire ce qu'elle pouvait lui écrire, il appuya sur le bouton power de son ordinateur. Voilà, il est tiraillé, il est hésitant. Normalement, il ne devrait pas entreprendre cette correspondance avec cette personne. Il se cache. Mmh. Et en fait, il est attiré par Emma. Et en même temps, il a très peur que ça lui pose problème. Donc, du coup, il essaye de faire durer en répondant quand même à ses attentes, tout en ne dévoilant pas sa personnalité, en fait. Et justement, à travers tous ces mystères, est-ce que vous aviez une certaine volonté de faire en sorte que les lectrices et les lecteurs s'imaginent un personnage aussi bien physiquement qu'au niveau du caractère? Parce que c'est ce que j'ai, à titre personnel, fait en lisant l'ouvrage. J'ai imaginé un personnage, et je m'étais même fait une idée assez précise de comment j'imaginais le le correspondant, voilà, j'avais perdu le mot, le correspondant. Donc, Ouais. est-ce que vous aviez cette volonté que les lecteurs s'imaginent à quoi peut bien ressembler l'Assessoro et pourquoi, en fait? Alors, voilà, je pense que c'est là, c'est un petit peu par jeu, en fait. Ce que je voulais, c'est que mes lecteurs j'aime pas les livres tout faits. En tant que lectrice, quand je lis un roman et que quelquefois je lis un roman et dès les 20 premières pages, quand plus ou moins les personnages ont été présentés, etc., je pourrais presque prendre un cahier sur le côté et écrire la fin. Et je ne sais pas encore exactement comment on va y arriver. Mais dans ma tête, c'est clair. Et j'adore quand je lis un roman, en fait, et que je pensais avoir raison, et que je me retrouve retournée comme une crêpe au milieu ou à la fin, et que tout d'un coup, et ben voilà, je m'étais fait une idée très très précise de ce que j'imaginais, et puis finalement, c'est pas ça. Alors, quand c'est. Et pour moi, ça, c'est un roman réussi. Quand, en fait, dès le départ, ben voilà, on va avoir une petite histoire, et on sait, voilà, on a deux, trois personnages. On sait plus ou moins, voilà, que évidemment ça va pas y aller direct, mais qu'il va y avoir quelques petits changements, etc. Mais que finalement à l'arrivée, ce sera ça. Pour moi, le roman n'a pas d'intérêt. Donc en fait, ce que je voulais, c'était jouer un petit peu avec les nerfs de mes lecteurs et que, bah voilà, que comme vous, en fait, ils s'imaginent quelqu'un et qu'ils disent bon, oui, mais si c'est ça, bah oui, bah, attends, mais elle est bête, Emma ou quoi, elle comprend pas où ça va l'emmener tout ça. Et puis en fait, et ben, que ce soit pas si évident que ça. Voilà. Donc c'est pas du sadisme, mais c'était voilà, c'est comme mon absence de chapitre en fait. C'était vous balader en fait un petit peu. Bah, ça a bien fonctionné. Voilà. Ben, j'espère, c'est le but. Non mais oui, parce que je me suis fait, en effet, comme vous l'avez dit, joliment dit. D'ailleurs, je me suis fait retourner comme une crêpe quand j'ai appris vraiment. Voilà, le personnage que j'imaginais pendant toute ma lecture, c'était pas du tout le personnage qu'est vraiment du coup l'Assessoro ou les différents prénoms qu'il se donne. Voilà. Ah mais sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de messages en privé sur Instagram notamment, parce que en fait, bon, pas sur les murs, parce que justement les lectrices ne voulaient pas que spolier le bouquin. Donc du coup, mais en MP, j'ai eu pas mal quand même de lectrices qui m'ont envoyé des petits messages et qui m'ont dit mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ah non, mais là, franchement, j'ai été scotché par la fin et je m'attendais pas à ça, et qui avaient envie de continuer en fait à discuter de qui voulaient pas. Bon, elles avaient refermé le bouquin, elles avaient terminé la lecture et elles voulaient continuer en fait à en discuter. Et j'ai même eu quelquefois des lectures communes en fait, où voilà, où les gens après m'envoyaient des messages pour me dire eh ben moi je pensais ça, mais ma copine qui l'a lu aussi, elle pensait ça. Et c'était très très intéressant pour moi en tant qu'auteur de découvrir en fait des trucs où vraiment j'imaginais absolument pas. Je veux dire que les lecteurs allaient aller dans leur imagination encore plus loin que dans la mienne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'était très très drôle quelquefois. Notamment, bah voilà, j'ai eu des séances de dédicace où je suis quelquefois restée. Bon, alors quand il y a du monde, c'est plus compliqué, mais quelquefois c'est un petit peu calme à certains moments. Bah, j'ai des lectrices avec qui j'ai vraiment eu le temps d'échanger, qui avaient acheté le roman en fait, alors soit sur internet pendant le confinement ou quoi, et qui donc sont venues me le faire dédicacer parce que j'avais une séance de dédicace pas loin, et qui venaient me dire ah non mais franchement j'ai halluciné, voilà. Et ça, c'était pour moi, c'est la plus belle des récompenses en fait, avoir réussi à emmener voilà, emmener quelqu'un dans une histoire et avoir fait que Emma, qui pour moi aujourd'hui est un personnage à part entière, hein, je veux dire, c'est vraiment comme si je l'avais croisée dans la vie, et ben qu'elle soit devenue quelqu'un pour d'autres en fait aussi. Et ça, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est extraordinaire. Oui, comme on le disait en début d'émission, on va faire une sorte d'anthropomorphisme de vos personnages, de monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est ça, voilà. Que je pense qu'il y a beaucoup de. Alors, c'est c'est rigolo parce que j'ai à la fois des lectrices, mais j'ai aussi des lecteurs qui se sont très fort reconnus dans l'histoire, alors pas forcément dans l'histoire d'Emma, mais dans l'histoire d'Emma et son correspondant. J'ai notamment un libraire du Furet du Nord d'Arcueil, voilà Guillaume, il a rencontré sa femme sur Internet, hein, et en fait, quand il a lu le roman, donc il avait reçu en service presse, il s'est retrouvé en fait plongé voilà dans ces moments délicieux de début de conversation, de début de discussion, de découverte de l'autre, du petit mystère, parce que lui comme sa femme étaient des grands timides et que du coup ça à la fois ça accélère les sentiments, mais en même temps voilà on reste bien derrière sa protection, derrière son écran. Et voilà, et il a été un grand défenseur du roman sur Instagram, et aujourd'hui on est encore, j'ai fait ma deuxième séance de dédicace chez lui d'ailleurs, dans au Furet du Nord, et c'est grâce à lui ou par lui que j'ai fait après plusieurs Furets du Nord. Et c'est vrai que ça a été très très agréable en fait d'échanger ensuite dans la vraie vie, et de rencontrer en fait via Emma et son correspondant de rencontrer quelqu'un mais amicalement hein, bien sûr. mais je dirais de faire toutes ces rencontres en fait de dédicaces, de libraires, de gens qui se sont retrouvés finalement grâce à Emma dans ma vie, et aujourd'hui je suis très heureuse, et j'ai des liens vraiment particuliers avec alors pas tous bien sûr, mais avec quelques-uns de mes abonnés sur Instagram ou de mes amis entre guillemets Facebook, je veux dire des gens avec qui j'échange quelquefois en MP, quelquefois j'ai d'ailleurs un compte Facebook et pas une page Facebook, parce que je trouvais que l'interaction était importante. Je voulais pas que les gens puissent juste liker et puis qu'il n'y ait pas d'interaction. J'ai presque 2000 amis sur Facebook, donc c'est difficile d'interagir avec tout le monde, et puis il y a des gens qui n'en ont pas la volonté. Mais par contre, il y a des gens qui sont devenus vraiment des personnes qui dont je vois les posts aussi, et que je commente et que j'apprécie, et il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se crée, des affinités qui se créent ou pas, mais en tout cas quand elles se créent, c'est des affinités qui sont, alors que c'est des gens que je n'ai pas rencontrés pour la plupart, c'est des affinités qui sont aussi fortes que des affinités que je pourrais avoir dans la vie, quoi. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Bien sûr, j'imagine. Avant d'aller plus loin une nouvelle fois, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle pause musicale que vous avez choisie à nouveau, et que nous écoutions cette fois-ci le célèbre groupe The Cranberries avec le morceau intitulé Dreams. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé pop-rock. Il est sorti une première fois en 1992, mais c'est un titre passé totalement inaperçu à cette époque. Il est donc ressorti 2 ans plus tard, en 1994, et c'est là que ce titre a connu le succès. Toutefois, le groupe s'était déjà fait connaître avec leur premier album studio sorti entre-temps, le lundi 1er mars 1993 précisément, album intitulé Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Et ce titre est d'ailleurs présent dans le film You've Got Mail, où vous avez un message, avec Tom Hanks et Meg Ryan. Film sorti le mercredi 20 janvier 1999, film que l'on peut rapprocher bien sûr de votre ouvrage Derrière ces mots. Donc, on profite d'ailleurs de ce morceau pour saluer la mémoire de Dolores O'Riordan, ou O'Riordan, je ne sais pas comment ça se dit précisément, chanteuse des Cranberries, qui nous a malheureusement quitté le 15 janvier 2018. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers, car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et puis même au Québec avec le décalage horaire. Et du coup, vous êtes toujours dans l'émission à la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Dreams du célèbre groupe The Cranberries et nous sommes toujours accompagnés au téléphone de Marie-Laurence Villemar qui est là pour nous parler de son ouvrage « Derrière ces mots ». Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Marie-Laurence ? Ah oui, tout à fait. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Pourquoi avoir choisi cette musique des Cranberries ? Alors, c'est surtout parce que effectivement, elle fait partie de la bande originale du film « You've Got a Mail ». Donc, vous avez un message. C'est un film, quand il est sorti, que j'ai regardé. Je suis allée le voir deux fois au ciné, en fait. D'accord. J'étais allée le voir avec une amie, et puis une autre amie m'a proposé d'aller le voir, et je lui ai pas dit que je l'avais déjà vu, en fait. Je suis retournée avec elle le voir une deuxième fois. Je pense que ce film a été déclencheur de l'histoire, enfin de ma volonté, en tout cas, de créer quelque chose sur deux personnes qui sont pas censés se rencontrer dans la vie en fait et puis qui se rencontrent quand même. Alors voilà, ça n'a rien à voir avec l'intrigue de You've Got a Mail, mais c'était aussi cette idée de d'écrire quelque chose de deux personnes qui n'ont rien à voir dans la vie à la base et qui pourtant peuvent avoir une histoire commune. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Donc quand Emma discute avec son mystérieux correspondant, à un moment, il donne son nom de famille. Il dit qu'il s'appelle Hopes. Son nom de famille, c'est Hopes. Et si on traduit en français, ça donne espoir, avec un S. Donc est-ce que le fait que vous avez donné ce nom de famille à votre personnage a en quelque sorte une double signification ? Bien sûr. bien sûr, c'était un choix délibéré et c'était aussi intéressant par rapport à la suite du roman, sans vouloir spoiler, mais c'était un nom à double sens et il suffisait de pas grand chose en fait pour qu'on ait un nom de famille qui porte en lui tout ce qu'Emma espère en fait. Et donc ça me paraissait un nom, bon, de toute façon, des Hope, il y en a plein en Angleterre, et ça me paraissait être un nom qui était porteur d'espoir. Bien sûr. Et donc justement, ce roman Derrière ces mots, nous avons presque l'impression que ce n'est pas un roman, mais que c'est plutôt le journal intime d'Emma. Comme si c'était Emma l'auteur du roman qui racontait son histoire et non plus du coup vous, Marie-Laurence. Donc, est-ce que c'était votre but que ce roman soit en quelque sorte une sorte de journal intime ? Non, j'ai pas réfléchi comme ça. Je pense que c'était un roman qui voulait entraîner le lecteur dans la vie d'Emma au plus profond. Et c'est vrai que c'est elle qui... Comme elle est la narratrice, elle explique son histoire, elle explique ce qu'elle ressent, elle explique au fur et à mesure de l'intrigue, en fait, elle explique ce qu'elle ressent. C'est vrai qu'on a très peu en fait d'explications à part au début et à la toute fin en fait de ce que ressent son correspondant. En fait, il ne parle qu'au tout début et à la fin. C'est vrai que l'idée c'était effectivement de voir à travers elle comment cette histoire en fait évolue et comment elle se sent et ce qu'elle fait, ce qu'elle décide de faire. C'est comment une femme de 40 ans qui a une vie ordinaire, en fait, peut à un moment donné se retrouver dans une situation assez incroyable et ce à quoi elle est prête, en fait, pour continuer à croire à son histoire, en fait. D'accord, parce que même le titre du roman, donc derrière ces mots, donc le petit mot C, vous l'écrivez S-E-S, donc c'est l'adjectif possessif, et non pas l'adjectif démonstratif derrière ces mots C-E-S. Donc j'imagine que là aussi, il y avait une petite... que vous aviez une petite idée derrière la tête. Mais en fait, c'est derrière les mots de la sorrow. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'y a-t-il réellement derrière les mots de la sorrow ? Donc derrière ces mots SES, et pas derrière ces mots, les mots du roman, ou leurs mots à eux deux, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe derrière l'écran, et aussi, derrière les mots de la sorrow, et donc, C'est pour ça que l'emploi du possessif décrivant les mots de la sorrow était important. Bien sûr. Et pas du démonstratif. Mmh. Et donc, si nous devions, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là c'est mon petit avis personnel, si je devais faire un résumé de la vie d'Emma, c'est un peu comme si c'était une roue, un cercle vicieux qui se répète encore et encore, et que l'on pourrait comparer plus ou moins, et par certains aspects, au célèbre film « Un jour sans fin » de Harold Ramis avec Bill Murray et Andy McDowell. Oui et non. Oui et non, parce que dans « Un jour sans fin », c'est effectivement la même journée qui se répète encore et encore dans le cas de avec effectivement Bill Murray qui justement connaissant ce qui s'est passé la veille influence en fait la journée quand elle recommence dans le cas d'Emma Emma elle a pas la maîtrise en fait de ce qui se passe. Emma, elle ne peut qu'espérer, elle ne peut qu'attendre, elle ne peut que subir un petit peu la volonté ou pas de la rencontrer de son correspondant. Sauf que effectivement, à un moment donné, elle prend le taureau par les cornes et elle décide de traverser l'écran et d'aller à la rencontre de son correspondant. Donc c'est pas tout à fait la même chose parce que effectivement chaque jour est rythmé par sa vie et le soir effectivement ses discussions avec son correspondant mais c'est en fait à chaque fois que j'hésite c'est parce que son correspondant a plusieurs noms dans le roman et c'est pour ça que je ne veux pas en choisir un puisqu'il est tout ça à la fois. Donc c'est pour ça que je dis toujours ton correspondant. Je voudrais pas que vos auditeurs se disent mais elle se rappelle plus comment elle dit toujours Emma et puis en fait elle parle jamais de c'est pour préserver aussi ce mystère et qu'ils aillent à la découverte de la personne comme il va se présenter de manière différente à plusieurs reprises à Emma. Mmh. Et justement, là, on va faire un petit bond en avant dans le roman, en essayant de ne pas trop spoiler une nouvelle fois, lors de la révélation, car oui, il y a un moment dans l'ouvrage où il y a THE révélation, j'ai envie de dire, on ne va pas dire quand, si ce n'est que cette fameuse révélation, on ne va pas dire quand ni ce qu'est cette fameuse révélation, voilà, pour donner envie aux lectrices et aux lecteurs de se plonger dans le roman, évidemment. Et nous voyons que vous décrivez les étapes de la révélation sur plusieurs pages, avec quelques interventions d'Emma en tant que narratrice. Donc pourquoi cette durée de la révélation ? Pourquoi avoir fait la révélation sur plusieurs, je ne sais pas trop combien de pages, mais sur plusieurs pages ? Parce que cette révélation, elle n'est pas abrupte. Cette révélation, Emma, elle doit la gagner. Elle va la gagner à force de persuasion, à force de... À force d'enquête aussi, hein, parce que clairement elle va un peu essayer de pousser son correspondant dans ses retranchements pour qu'il finisse par se dévoiler. Et au départ, dans la première page en fait, il dit il hésitait, il se disait pouvait-il se mettre à ce point en danger ? Pouvait-il risquer d'être découvert après tous les efforts mis à devenir un invisible ? Tous ces mensonges pour se fondre dans la masse. Donc en fait, Emma, elle va, les sentiments de son correspondant, elle en est sûre. Elle est persuadée que derrière en fait son mystère, il y a quelque chose de lourd et de douloureux. Et donc, du coup, elle veut essayer de comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi ça prend du temps, Bah parce que ça prend le temps que ça va lui prendre dans la vie, en fait, d'essayer de comprendre qui il est et d'aller et de le pousser dans ses retranchements et de se disputer aussi, parce qu'il n'y a pas que voilà, c'est pas mon cœur, mon amour tout le temps. Je veux dire, il y a des moments où, où Emma en a ras-le-bol, elle voudrait, elle se rebelle, elle, elle en a assez de cette relation qui la fatigue, qui lui donne voilà, qui lui donne une vie un peu compliquée dans la journée parce que bah parce qu'elle n'a pas dormi et que du coup voilà tout le monde sait ce que c'est qu'un lendemain de nuit blanche ou de fête, je veux dire on est au radar, on n'est pas bien et petit à petit ça joue aussi sur son moral et son mental donc voilà cette révélation elle met plusieurs temps, plusieurs jours, enfin plusieurs pages et plusieurs jours. Parce que c'est le temps que ça va lui prendre, en fait, de découvrir la vérité. D'accord. Une nouvelle fois, avant de poursuivre cette émission littéraire, je vous propose de nous lancer à nouveau dans une pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois. De toute façon, toutes les pauses musicales que je passe dans mes émissions, ce sont mes invités qui choisissent. C'est pour que l'émission leur corresponde le plus possible. Et cette fois-ci, nous allons écouter Carole King avec son morceau intitulé « Anyone at All ». Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, c'est un titre sorti en 1998, il y a donc 23 ans. C'est un morceau également tiré du film « You've Got Mail » où vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan. Et ce titre a d'ailleurs été nominé pour le Satellite Award de la meilleure chanson originale en 1999, mais elle ne l'a pas remporté car c'est le groupe Aerosmith qui a remporté le prix avec leur titre « I don't want to miss a thing » pour le film « Armageddon ». Quoi qu'il en soit, on écoute Carole King et le titre « Anyone at all » et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo après « Anyone at all » de Carole King. Funny how I feel more myself with you than anybody else that I ever knew. Hear it in your voice, see it in your face. You've become the memory I can't erase. You could have been anyone at all, a stranger fallen out of the blue. I'm so glad it was you. Suddenly a miracle came to me. Safe within your arms, I can say what's true. Nothing in the world I would keep from you. You could have been anyone at all, an old friend falling out of the blue. I'm so get Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Anyone at All de Carole King. Et vous êtes toujours sur le 107 FM localement, bien sûr, ou sur notre application mobile et web Orange Radio, ou encore sur notre site internet. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marie-Laurence Villemar, qui est là pour nous parler de son ouvrage Derrière ces mots. Tout va toujours bien ? Très bien. Parfait. Donc, est-ce que la raison pour laquelle vous avez choisi cette chanson, c'est parce qu'elle fait également partie du film You've Got Mail, ou pas ? Oui, et surtout pour son titre, en fait, Anyone at All, n'importe qui, en fait, voilà, cette chanson, elle intervient dans le film à un moment où Meg Ryan ne sait plus trop où elle en est, en fait, et rêve. Que la personne en fait qu'elle a en correspondance se matérialise et elle veut savoir et qui quelle que soit cette personne enfin qui que soit cette personne voilà les sentiments qu'elle a développés pour cette personne elle rêve qu'il se réalise quoi en fait et que cette personne lui apparaisse et qu'elle lui convienne hein, parce que dans le film elle n'a pas non plus de photos où elle ne connaît absolument pas l'identité de son correspondant donc en fait c'était important pour moi d'avoir cette chanson parce que Emma, bon, quelquefois, évidemment, le roman a bien plu, mais c'est vrai que jusqu'à présent, mais c'est vrai que quelquefois, j'ai des sceptiques qui me disent, comment une femme de 40 ans qui a des enfants et tout, une vie, elle peut se retrouver du jour au lendemain, discuter avec un inconnu et puis tomber amoureuse de lui aussi vite, etc. Et ben, ça arrive. Et voilà, et dans ce film You've Got a Mail qui est un immense succès, ça arrive à Meg Ryan. Et sauf que petit à petit, à l'inverse de mon roman, c'est que Meg Ryan, dans la vie, s'attache aussi à quelqu'un. C'est un peu différent, puisque moi, Emma a personne dans sa vie. Donc, elle a ses enfants, mais je veux dire, elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, donc petit à petit, dans You've Got a Mail, ils finissent par se rencontrer. Elle rêve à la fin que son mystérieux correspondant soit aussi finalement la personne avec qui elle a commencé à avoir des sentiments parce qu'au départ tous les opposent et puis finalement ils se retrouvent. Elle espère. Dans la chanson, elle dit « J'espérais tellement que ce soit toi ». Et ben en fait, je pense qu'à un moment donné, Emma voudrait, elle veut que ce monde virtuel dans lequel elle vit s'arrête et elle veut savoir si oui ou non elle peut avoir une histoire viable avec cette personne avec qui elle correspond. Quoi. Et donc, justement, quand on sait ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé pour ce mystérieux correspondant, ce dernier est encore assez distant envers Emma, ce qui peut se comprendre totalement. Donc, diriez-vous que c'est plutôt par peur ou pour la protéger qu'il est distant à ce point ? Je pense que c'est les deux. Je pense que lui a été... Il y a un dicton qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Je pense que Tous les deux, ils ont vécu des déceptions et qu'à un moment donné, lui a peur d'attirer Emma dans qui a sa petite vie tranquille avec ses enfants et tout ça dans quelque chose qui la dépassera complètement. Et donc du coup, il ne veut pas sacrifier ce qui est beau entre eux. Pour que ça risque de devenir quelque chose qu'il préférerait presque arrêter l'histoire en plein milieu, même si ça lui fait mal, plutôt que de poursuivre finalement cette histoire et de prendre le risque qu'elle s'arrête de toute façon malgré eux. C'est difficile pour lui en fait de prendre la bonne décision et toujours en reprenant dès la première page Voilà, il se dit qu'il s'arrêterait dès qu'il sentirait que c'était trop dangereux. Sauf que quand on pense en fait chaque fois qu'on a la possibilité en amour de garder les rênes en main et puis de décider, je fais comme ça, puis finalement je m'arrête, et puis sauf qu'on maîtrise pas tout et que ni lui ni Emma en fait ne maîtrisent ce qui leur arrive. Et donc du coup, il faut aller au bout. Et donc justement pour quand on sait ce qui se passe pour ce mystérieux correspondant, d'un coup Emma elle est prise d'une certaine malice quelque part de quelque chose qu'elle s'apprête à faire pour aider du coup son mystérieux correspondant. Donc comment est-ce que vous décririez cette malice? Est-ce que pour vous c'est plutôt un second souffle de la part d'Emma ou est-ce que c'est parce qu'elle est tellement amoureuse de ce correspondant qu'elle est prête à tout même à se mettre elle-même en danger pour pouvoir vivre son histoire avec ce correspondant? Alors, je serais presque tentée d'utiliser mon joker. Pas de souci. Il me serait difficile d'en parler en fait, sans enlever un petit peu de la part de mystère qui est importante dans le livre pour que les lecteurs aient envie de continuer à tourner les pages et d'aller au bout. Donc, je pense qu'Emma est une femme amoureuse. Alors je vais prendre un demi-joker, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais c'est-à-dire que Emma est prête à tout, parce que même à faire des choses dont elle se sentait pas capable, enfin dont elle ne s'imaginait pas capable, pour effectivement vivre son histoire. Donc, mais je ne peux pas en dire plus. D'accord, donc joker, demi-joker. Demi-joker. Ok, vas-y, allez ça passe, c'est parti. Ça passe. Ouais. Donc du coup, je vais vous laisser le joker entier pour la suite, si jamais il y a une question qui spoilerait un peu trop, mais bon, le demi-joker, c'est utilisé, voilà. Et donc, okay. je répondrai une autre fois à demi à votre question dans ces cas-là. Pas de souci. Donc... Justement, en se battant pour faire éclater la vérité, est-ce que Emma ne s'éloignerait-elle pas de sa propre famille et finalement ne s'éloignerait-elle pas d'elle-même en même temps? Je pense que oui et non. Je pense qu'à un moment donné, il est difficile pour elle de faire le grand écart tout le temps entre justement sa vie virtuelle et sa vie personnelle, enfin, et sa vraie vie. Et je pense qu'à un moment donné, justement, dans sa volonté, en fait, d'être heureuse, parce que c'est là qu'il s'agit, on pourrait avoir l'impression qu'elle néglige en fait sa vie personnelle et ses enfants. Mais en fait, dans sa tête, c'est parce qu'elle voudrait vraiment en fait réunir ces deux mondes-là. Elle en peut plus d'être en grand écart entre sa vie personnelle et sa vie privée, et donc entre sa vie privée et sa vie virtuelle. Et elle voudrait à tout prix réunir ces deux mondes-là. Donc en fait, elle s'oublie pas elle-même. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est au contraire galvanisée en fait parce qu'elle a été tellement pendant longtemps dans une espèce de routine qui lui apportait pas beaucoup de sel dans sa vie que là se retrouver dans ce tourbillon en fait de sentiments et d'histoire fait que c'est à la fois dangereux pour elle, mais en même temps, elle se sent libre, elle se sent exister, elle se sent vivante enfin, et donc c'est voilà, elle a un petit côté romanesque dans le sens extrême du terme, c'est-à-dire elle est prête à tout et elle est prête à aller voilà, au-delà de ce qu'elle se sentait capable de faire. Mais elle s'oublie pas, je pense pas. D'accord. Et donc, comme nous l'avons dit au début de l'émission, donc la première page du roman, donc c'est un paragraphe, un chapitre, on va dire, que vous avez ajouté après. Et donc, c'est quelque chose que vous avez... Pas que j'ai ajouté après, mais que j'ai déplacé, qui ne se trouvait pas là dans le roman, et que j'ai mis en première page. Ok, d'accord. Donc, que vous avez déplacé en premier. Et donc, du coup, en arrivant à la fin du roman, on ne va pas dire ce qui se passe, mais finalement, est-ce que vous diriez que les dernières lignes du roman représentent presque le début de tout ? Non. On m'a souvent dit que le roman méritait une suite. Mmh. Je n'en suis pas sûre. Alors peut-être qu'elle viendra un jour. Il faut peut-être laisser Emma et Lassero vieillir un peu dans ma tête. Hein. Mais je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il fallait une explication. Pour qu'on comprenne aussi le point de vue de Lassero. C'est pas le début de tout, c'est le début de son histoire à lui, oui, en voilà. fait. Oui. Alors c'est bien sûr, c'est le début de son histoire à lui et ça apporte une réponse à ce qu'il dit à Emma. Il considère qu'il a perdu le droit d'aimer. Et mm-hmm. pourquoi ? Voilà, mais ce n'est pas. Ce n'est pas le début de l'histoire, en fait. C'est le début de son histoire à lui, avec son éclairage à lui et avec ce qu'il a pu ressentir au moment des faits. D'accord. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Je vais vous faire part de mon avis sur ce roman. Est-ce que ça ne vous met pas trop la pression ? Bah, oui et non. D'accord. Oui et non. Parce que je suis consciente du fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Effectivement, en plus vous êtes un lecteur masculin, donc c'est pas forcément la même approche. Mais je voudrais, j'ai hâte. De toute façon, tous les avis sont hyper constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc j'ai hâte. D'accord. Eh ben, je le donnerai après la pause musicale. Donc, du coup, avant de vous faire part de mon avis sur cet ouvrage Derrière ces mots, je vous propose de nous lancer dans une dernière pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois une chanson que j'apprécie beaucoup également, à nouveau Respire encore de Clara Luciani. Donc, comme pour les précédentes pauses musicales, je vais donner les quelques références de cette chanson si jamais nos auditrices et nos auditeurs veulent en entendre davantage. Ce morceau est plutôt typé pop française, il est sorti cette année et il est tiré de l'album intitulé Cœur de Clara Luciani, album sorti le vendredi 11 juin 2021. Il s'agit du deuxième album studio de Clara Luciani, le premier étant Sainte Victoire, sorti en 2018. D'ailleurs, le morceau que nous allons écouter a été nominé pour le Energy Music Award de la chanson francophone de l'année, mais le prix a été remporté par Kenji Girac avec son morceau intitulé « Évidemment ». Quoi qu'il en soit, on écoute « Respire encore » de Clara Luciani et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite après Clara Luciani d'ici un peu moins de 4 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Yeah. Respire encore de Clara Luciani sur Radio Gamozo. Vous êtes donc de retour dans À la rencontre d'auteurs pour la dernière partie de l'émission et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie pendant encore quelques minutes au téléphone de Marie-Laurence Villemar qui est là pour nous parler de son ouvrage Derrière ces mots. Tout va toujours bien ? Oui, très bien. Parfait. Sauf qu'il y a un bruit de klaxon là, qui passe dans la rue. Pas de soucis. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça ne devrait pas durer. Donc, même question que pour les précédentes pauses musicales, je pense que vous êtes habitué. Désormais, pourquoi avoir choisi cette chanson de Clara Luciani ? Alors, cette chanson n'a pas grand-chose à voir avec, Derrière ces mots. En fait, c'est, comme c'était la dernière pause musicale, c'est plutôt une projection en fait, dans le futur, puisque... j'ai donc écrit un deuxième roman qui paraît donc qui est paru enfin en tout cas en numérique pour l'instant le 8 décembre et qui s'appelle Il faudra respirer encore. Voilà, donc du coup ce roman, alors que la chanson est très récente en fait, c'est vraiment une chanson qui m'a inspiré le titre. J'étais sur un autre titre pour ce deuxième roman et qui m'a convenu pendant un petit bout de temps et puis qui, en fait, vous savez, quand vous continuez à écrire, en fait, petit à petit, en fait, le titre évolue et je trouvais que le premier titre choisi était trop sombre et je voulais quelque chose qui fasse plus, qui donne plus envie, en fait. Et puis je peux pas spoiler le pourquoi du titre, mais il prend tout son sens quand on arrive à la fin du roman. J'ai choisi en fait en écoutant tout simplement ce titre de Clara Luciani, je me suis dit mais c'est bien sûr. Et puis le titre de mon roman était choisi et c'est vrai que aujourd'hui je suis très heureuse de ce titre. Voilà, un petit clin d'œil du coup pour votre deuxième roman du coup. Voilà. Et donc du coup voilà, c'est l'heure d'arriver à mon avis sur cet ouvrage. Donc les personnages de cet ouvrage sont, je trouve, attachants. Différemment, certes, mais ils le sont. Je n'ai même pas envie de dire que ce sont des personnages, tellement on dirait de vraies personnes avec leurs émotions, leurs sentiments, comme on le disait en début d'émission, monsieur et madame tout le monde. Je l'avoue, à plusieurs reprises, dans ce roman, j'avais envie de prendre Emma dans mes bras et de crier sur son correspondant, car je le trouvais vraiment très mystérieux, trop mystérieux peut-être, mais c'est ce qui faisait le charme du personnage. Puis, par la suite, la colère, entre gros guillemets, que je ressentais envers le correspondant s'est peu à peu transformée en empathie. Et j'avais envie d'être là pour lui, de l'écouter se confier, de lui prêter une épaule s'il avait envie de pleurer. Voilà. Parfois, dans le roman, les filles d'Emma, elle en a trois, devenaient presque, j'ai trouvé... les filles devenaient la mère et la mère devenait presque l'enfant, surtout au début. J'ai voyagé avec les personnages, parce que vous nous emmenez du nord de la France à l'Angleterre, me semble-t-il. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et j'ai beaucoup aimé l'échange épistolaire qui existait entre Emma et le correspondant. J'ai beaucoup aimé aussi l'anglais mélangé au français. Si je devais résumer en quelques mots, c'est un très bon roman qui se lit facilement, au travers duquel plusieurs émotions et plusieurs sentiments sont présents. Voilà, donc cet ouvrage Derrière ces mots est disponible sur internet et peut-être dans certains magasins et centres commerciaux au prix de 18 € pour 287 pages d'intrigue. Voilà, c'était mon petit avis sur Derrière ces mots. Voilà, ça va. C'est un avis qui est très agréable à entendre. Donc c'est pour ça. Alors oui, le livre est disponible encore aujourd'hui dans toutes les librairies en fait, sur commande. Il y a des librairies. Alors je sais que dans le Nord, évidemment, il y a beaucoup de libraires qui l'ont gardé sur les étagères, mais sinon ou qui l'ont recommandé en tout cas régulièrement. Mais sinon, sur les sites classiques de grandes librairies françaises, Fnac, Furet du Nord, etc., des sites et tout ça, vous le retrouvez sans problème. Il est aussi disponible en e-book pour vos liseuses. Voilà. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose, bien qu'on ait dit beaucoup de choses dans cette émission, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé dans ce roman, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Écoutez, écoutez, je pense qu'on a été très très complet et voilà, et on a réussi à parler du roman sans trop en dire, et c'est pas évident du tout, donc je suis très très contente de cette émission et de la tournure qu'ont pris nos discussions. Bah parfait, pareillement. Et donc j'allais vous demander vos projets futurs, mais du coup le deuxième roman qui arrive, voire qui est sorti d'ailleurs, vous l'avez dit. Oui, enfin il est. Alors on attend la version papier. Bon là évidemment avec les fêtes, etc., les équipes réduites et tout, ça va pas être évident, mais il est disponible sur la plateforme Librinova.com. Et donc pour l'instant en numérique, et il sera après disponible, donc je dirais courant janvier à mon avis, dans les librairies classiques, et puis j'entamerai une nouvelle série de séances de dédicaces, etc. En mars-avril, où j'irai à la rencontre de mes lecteurs dans les librairies qui voudront bien m'accueillir. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes. Mm-hmm. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Prenez soin de votre santé. Et puis que 2022, j'aime bien ce chiffre parce que j'ai habité toute ma vie, enfin pendant toute mon enfance. Un numéro 22 chez mes parents. Donc j'aime bien cette année 2022 et j'espère que cette année 2022 apportera plein, plein de belles choses. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs. Donc je vous remercie, Marie-Laurence, d'avoir accepté mon invitation. Ben, avec grand plaisir, vraiment. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, donc en janvier, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, une autre romancière, Maude Viotti, qui sera là certainement par téléphone pour nous parler de son ouvrage intitulé Ma douce Eugénie. Quant à moi, je vais prendre quelques semaines de congé et je reviendrai en forme le lundi 3 janvier pour Fréquence Libre et bien sûr pour À la rencontre d'auteurs. Mais avant, vous pourrez me retrouver le vendredi 24 décembre à midi en compagnie d'autres animateurs de Radio Gémozo pour une émission spéciale Noël. Voilà, donc bonne fête à toutes et à tous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Merci encore Marie-Laurence et du coup, je vous dis à très bientôt. Donc au revoir tout le monde.